Chapitre 183. L'incitation à réciter des sourates et des versets particuliers. 1009. Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla, radiallahu anhu, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me dit un jour, « Veux-tu que je t'apprenne la plus grande sourate du Coran avant que tu ne quittes la mosquée ?» Il me prit par la main, et lorsque nous fûmes sur le point de quitter la mosquée, je lui demandai, « Ô messager d'Allah, tu m'as promis de me confier quelle était la plus grande sourate du Coran. » Il dit, « Louange à Allah, Seigneur de l'univers, sourate al-Fatiha, ce sont les sept versets répétés, As-Sab'ul Mathani, et le noble Coran qui m'a été donné. » Al-Bukhari. 1010. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit à propos de la sourate « Dit, il est Allah unique », sourate 112, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » D'après une autre version, il a dit, alayhi salatu wassalam, à ses compagnons, « L'un d'entre vous peut-il réciter le tiers du Coran en une seule nuit ?» Trouvant cela difficile, ils répondirent, « Qui parmi nous en est capable, ô messager d'Allah ?» Il dit alors, alayhi salatu wassalam, قل هو الله أحد. Dit, il est Allah unique, équivaut au tiers du Coran. Al-Bukhari. 1011. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, un homme en entendit un autre réciter à maintes reprises la sourate « Dit, il est Allah unique ». Le lendemain matin, il se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour lui rapporter ce qu'il avait entendu sans accorder beaucoup de valeur à la lecture de cette sourate. Mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui confia, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Al-Bukhari. 1012. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit à propos de la sourate, « Dit, il est Allah unique, elle équivaut au tiers du Coran. » Muslim. 1013. D'après Anas, radiyallahu anhu, un homme a dit, « Ô messager d'Allah, j'aime cette sourate, dit, il est Allah unique. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « Ton amour pour elle te fera entrer au paradis. » At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan » et Al-Bukhari le rapporte avec une chaîne de narrateurs incomplète. 1014. D'après Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Ne savez-vous pas que des versets uniques ont été révélés cette nuit ?»« Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, sourate 113. Et dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, sourate 114. Muslim. 1015. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, implorait la protection d'Allah contre les djinns et le mauvais œil. Et dès que les sourates l'aube naissante, al-Falaq, numéro 113, et les hommes, an-Nas, numéro 114, furent révélés, il n'utilisa plus que ces deux sourates comme formule de protection. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1016. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y a dans le Coran une sourate de 30 versets qui intercédera en faveur d'un homme si bien que ses péchés lui seront pardonnés. Cette sourate est « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. » Sourate 67. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. 1017. D'après Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque récite la nuit les deux derniers versets de la sourate La Vache, sourate 2, ils lui suffiront amplement. » Al-Bukhari et Muslim. Selon certains, cela veut dire que ces deux versets suffiront à le protéger contre le mal de cette nuit et selon d'autres, que leur lecture lui suffira comme prière nocturne. 1018. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Satan fuit les maisons où la sourate la vache al-Baqarah est récitée. » Muslim. 1019. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, a dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a demandé « Ô Abul Munzir, connais-tu le plus grand verset du livre d'Allah ?» Je répondis « Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum » Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Verset numéro 255 de la sourate La Vache. Il me tapota alors sur la poitrine en me disant, alayhi salatu wassalam, que ton savoir te soit profitable, ô Abul Munzir. Muslim. Note. Il est connu sous le nom de verset du trône, ce qui prête à confusion, puisque le Kursi cité dans le verset et qui lui a donné son nom est en fait le repose-pied, comme l'a expliqué Ibn Abbas, et non le trône, comme il est communément traduit. 1020. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte ceci. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me chargea de garder la zakat du mois de Ramadan. C'est alors qu'un individu vint et commença à y prendre de la nourriture. Je le saisis et lui dis, « Je vais t'emmener chez le messager d'Allah. » Il se plaignit, « Je suis démuni, j'ai une famille et je suis dans le besoin. » Alors je le relâchai. Le lendemain matin, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me dit, « Ô Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier hier ?» Je lui répondis, « Ô messager d'Allah, il s'est plaint d'être dans le besoin et d'avoir une famille. J'ai donc eu pitié de lui et l'ai laissé partir. » Il me dit, alayhi salatu wassalam, « Il t'a menti et il reviendra. » Je suis alors aux paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il reviendrait et je guettais donc sa venue. Il revint en effet et recommença à prendre de la nourriture. Je l'attrapai et lui dis, « Je vais t'emmener chez le messager d'Allah. » Il me répondit à nouveau, « Laisse-moi, je suis dans le besoin et j'ai une famille, je ne reviendrai plus. » J'eus à nouveau pitié de lui et le laissai partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me demanda, « Ô Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier hier ?» Je lui répondis, « Ô messager d'Allah, il s'est plaint d'être dans le besoin et d'avoir une famille. » J'ai eu pitié de lui et l'ai relâché. Il me dit, « Il t'a menti et il reviendra. » Je le guettai encore et il vint pour la troisième fois et recommença à prendre de la nourriture. Je l'attrapai et lui dis, « Maintenant, je vais t'emmener chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la dernière fois que je te laisse partir. À trois reprises, tu as prétendu que tu ne reviendrais plus et à chaque fois tu es revenu. » Il me dit, « Laisse-moi. » et je t'apprendrai des paroles par lesquelles Allah t'accordera de ses bienfaits. » Je lui demandai, « Quelles paroles ?» Il répondit, « Quand tu te mets au lit, récite entièrement le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, sourate 2, verset 255. Il ne cessera d'être pour toi une protection venant d'Allah, et aucun diable ne t'approchera jusqu'au matin. » Je le laissai à nouveau partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'interrogea de la même manière. « Qu'a fait ton prisonnier hier ?» Je lui répondis, « Ô messager d'Allah, il a prétendu m'enseigner des paroles grâce auxquelles Allah m'accordera ses bienfaits. Je l'ai donc relâché. » Il me demanda, « Quelles paroles ?» Je répondis, « Il m'a dit de réciter entièrement, quand je me mets au lit, le verset du repose-pied, en me disant qu'il ne cessera d'être pour moi une protection venant d'Allah et qu'aucun diable ne m'approchera jusqu'au matin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors, « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. Sais-tu, ô Abu Huraira, à qui tu parles depuis trois jours ?»« Non, » répondis-je. Il me dit, alayhi salatu wassalam, « C'était un diable. » Al-Bukhari. 1021. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Quiconque mémorise les dix premiers, ou selon une autre version, les dix derniers, verset de la sourate La Caverne, Al-Kahf, sera protégé du faux messie, du Dajjal. » Muslim. 1022. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, relate. Tandis que l'ange Gabriel était assis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, Il entendit comme le bruit d'une porte que l'on ouvre au-dessus de lui et leva la tête. Il dit, c'est-à-dire Gabriel, « Ceci est une porte du ciel qui s'est ouverte pour la première fois aujourd'hui, et voilà un ange qui en est descendu aujourd'hui pour la première fois. » L'ange m'a salué, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le narrateur, puis m'a déclaré « Réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été accordées et à aucun autre prophète avant toi. » Il s'agit d'une part de la sourate al-Fatiha, la première sourate du Coran, et d'autre part des derniers versets de la sourate al-Baqara, la vache. Tu ne réciteras pas une seule lettre de l'un de ces versets sans être exaucé dans les invocations qui s'y trouvent. Muslim.